né pour tuer. Mon arme c'est microphone, évacué est inutile. Je prose même dans des interphones. Spartiate attitude dans un squat de l'Est. Je raffole des joutes verbales, les wack pestes. Trop technique à folle. Mais la place est pleine de couillons. M'as-tu vu de futur cancéreux sous UV? Que veux-tu? La vie tue petit à petit. Trop de conneries cuvées de mes initiales. Que veux-tu? Avant que la mort vienne me faire son putain de baiser nuptial. Je suis un de ceux qui vient piétiner. Pas avoir pitié, trop sérieux. Alors où j'ai les connards sans cervelle, trop prof supérieur. Depuis tout petit y'a rien. Pas de poids se prendre pour un à rien. Les frères faut écouter, mais tes boys de côté. Du coup, boy se dit toujours. Y'a rien qui rime à rien. En plus d'un rond, dit tout le temps que dans sa tête ça tourne par rond. Et puis demain c'est loin, la vie avec la maille s'éloigne. Donc de jour en jour, de choix en choix, la réalité change. Les gens veulent te manger, plus les années t'engrangent et plus tu captes le sens du danger. Faut changer pour se ranger dans le troupeau. Mais j'aime pas la gueule des bergers, donc des fois je me sens trop barge et puis je deviens une canaille. Mais tous ne pigent pas quand mes pas un lion en cage. Mais la vraie question, mon frère, c'est comment est-ce que t'expliques la rage. Bienvenue dans le vice et la malice, où chimères sont les merveilles d'Alice. Car la vis via DSL pour le ralice, pour le calice, devenir le calife. Pour des histoires de monnaie, couille on peut même sortir le canif. Rien à foutre de leur mode, some boy. Des sucettes de messe de prod, mood boy, bad boy. Rien à foutre de leur code, appelle-moi underground. Bête de clandeur qui gronde sur rond, des rimes à pompe. Mais y'a plus de secret quand t'as pigé que la terre est ronde. Un des blindés, pas comme ceux qui se payent et se rendent. Percute cette existence, c'est tout se rendre. Cette planète d'un ring de dingue. Et si tu crois que c'est la brinque, ça vide des supersoniques et tu prends les supercutes. Blessure profonde, dans ce rap game, mon rêve américain. Donc rien à foutre qu'il pollue les tympans du monde. Dans ce rap game, mon rêve américain, donc rien à foutre qu'il pollue les tympans du monde. Dans ce rap game, mon rêve américain, donc rien à foutre qu'il pollue les tympans du monde. À croire qu'elle m'a pisté, forcé, insisté. La violence a conquis mon esprit, je n'ai pas pu résister. J'ai croqué un empire, multipasse au blabla, c'est versage qui vaut plus qu'une guillotine pour faire taire un cerbère. Ce qui en ressort, une rage ancrée en essor. Je suis même plus choqué le soir d'entendre la rage de mes sœurs dans cette mégapole. La politique influence extrapole. Crois-moi, Mino, j'ai découvert le racisme à l'école. À mon grand désarroi, mon âme est bloquée dans un édo format tétot. J'exige d'un coup de sable mon droit de veto. Sommes-nous tous les fruits de nos mots? Imaginez, servez véridique de la bouche des barbeaux.